Comment une aristocrate anglaise a découvert le remède contre la variole dans un harem? Les récentes campagnes de vaccination contre le coronavirus ont fourni l'occasion de rappeler le rôle pionnier qu'a joué Edward Jenner, le médecin anglais qui a inventé la vaccination contre la variole à la fin du 19e siècle. Mais la plupart des gens ignorent que sa découverte s'est faite à partir d'un modèle antérieur, venu de l'Empire ottoman, appelé la variolisation. Cette technique, connue des Chinois dès le XVIe siècle, s'est progressivement propagée le long de la route de la soie pour atteindre Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, au début du XVIIIe siècle. Lady Mary Wortley Montagu, née à Londres en 1689, avait elle-même été contaminée par la variole dans sa jeunesse. En 1717, elle accompagna son mari, qui venait d'être nommé ambassadeur à Constantinople. C'est lors de ce séjour qu'elle a compris tout l'intérêt de la variolisation. Ce ne sont pas ses compétences dans le domaine médical qui lui ont permis de faire cette découverte, mais la fascination qu'a exercée sur elle la civilisation turque. L'étude de sa correspondance montre que Mary Wortley Montagu a rapidement tissé des liens avec les femmes qui gravitaient autour du sultan. Ayant appris la langue turque, elle a été admise dans un monde fermé aux hommes et s'est donnée pour mission de combattre les préjugés que les voyageurs européens avaient accumulés sur ce pays. Lady Mary put ainsi capter la confiance des femmes qui composaient l'élite des harems ottomans. Et ce sont ces femmes qui l'ont initiée à la technique de la variolisation. À Constantinople, elle consistait à prélever un peu de pus variolique chez un enfant atteint d'une forme bénigne de la maladie, puis de l'insérer sous la peau de ceux qu'on cherchait à immuniser. L'efficacité de cette méthode incita Mary Wortley Montagu à solliciter le chirurgien de l'ambassade pour qu'il inocule ce pus variolique à son fils. En mai 1721, lorsqu'elle fut de retour à Londres, Lady Mary fit aussi varioliser sa fille, âgée de 3 ans, en présence de médecins de la cour royale. Elle parvint ensuite à convaincre son amie, la princesse de Galles, de faire de même pour ses fils, héritiers de la couronne d'Angleterre. Malgré les résultats très positifs obtenus par cette technique, la variolisation suscita de vives oppositions. L'Église dénonça celles et ceux qui voulaient se soustraire à une maladie envoyée par Dieu pour punir ou éprouver les hommes. Les bien-pensants s'offusquèrent que des aristocrates anglais puissent imiter les coutumes d'un peuple illettré et incapable de penser, qui confiait à des femmes l'art de combattre les maladies. Plus sérieusement, des médecins s'inquiétèrent des risques que présentait une méthode préventive qui était encore au stade expérimental. Les premiers décès survenus chez des enfants inoculés eurent un effet désastreux sur l'opinion. Même les partisans de la variolisation durent admettre que cette technique n'était pas totalement fiable et qu'elle pouvait même contribuer à disséminer la variole au sein d'une population. Bien que la variolisation ait été rapidement abandonnée, c'est en partant de cette technique qu'Edward Jenner a découvert le vaccin qui inaugura l'âge de l'immunologie.